ils ont des nageoires. D'accord, ils passent leur vie entière dans l'océan. Mais ne nous y trompons pas, les cétacés ont des comportements sociaux bien plus proches des nôtres que de ceux des poissons. Cela n'a rien d'étonnant puisque ce sont des mammifères. Encore fallait-il prendre le temps de les observer pour se rendre compte de la richesse de leurs interactions sociales. Enregistrer les chants des baleines à bosse pour entendre les différences culturelles entre deux groupes distants. Observer un clan de femelles cachalots pour s'apercevoir qu'elles avaient mis en place un système de babysitting. Ou encore suivre des communautés d'orques pour comprendre leur stratégie de chasse en groupe. Cet après-midi, nous partons à la découverte de ces sociétés de cétacés encore bien mal connues, avec pour guide François Sarano, plongeur, océanographe, auteur de l'ouvrage Le Retour de Moby Dick, dans lequel il raconte ce que lui ont appris les plongées qu'il fait régulièrement depuis plusieurs années avec des scientifiques pour observer un groupe de cachalots au large de l'île Maurice. Également avec nous, Olivier Adam, bioacousticien, chercheur à Sorbonne Université. Il a sillonné les mers du globe pour étudier le chant des baleines à bosse et il est le commissaire de l'exposition Baleinopolis, les sociétés secrètes des cétacés, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes à l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Jean, tu peux nous faire une photo avec un objectif sur la dorsale de la première baleine. Elle a une trace blanche. Alors, on va essayer d'enregistrer, de voir déjà s'il y a du son. Je vais mettre l'hydro. Putain, mais c'est génial! Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un mix extraordinaire là. 2, oh là là, 3! Oh waouh! Bonjour Olivier Adam et François Sarano. Bonjour. Bonjour. Olivier Adam, on vous entendait à l'instant avec vos collègues lors d'une expédition au large de Madagascar. Vous réussissez à approcher un groupe de baleines à bosse et on entendait tout l'enthousiasme des chercheurs sur le bateau. Après toutes ces années à observer ces baleines, à chaque rencontre, c'est la même effervescence sur le bateau. C'est incroyable, hein, c'est juste dingue. Ils sont tellement étonnants et on est tout le temps émerveillés quand on rencontre, quand on croise ces cétacés. Ça fait 15 ans que je travaille sur les cétacés et à chaque fois qu'on en croise un, c'est toujours le même enthousiasme, la même volonté, la volonté de les comprendre, la volonté de les suivre, la volonté de mieux décrire ce qu'ils font, parce que moi je suis persuadé que plus on va les connaître, mieux on va les protéger et mieux on va conserver les océans. Ouais, alors là, on avait un peu du son. Quelle taille elles font, ces baleines à bosse? Donnez-nous l'image un peu. Bon, 14, 15 mètres, 16 mètres, voilà, ça dépend des mâles, des femelles. Ouais. 30 tonnes, donc c'est des mysticètes, elles ont des fanons, donc elles sont très éloignées en fait des odontocètes à dents comme les orques, comme les dauphins, cachalots, et elles viennent proches des côtes, c'est intéressant, comme ça on peut les étudier un peu plus facilement, et notamment alors partout dans tous les océans, donc c'est facile, et les dom-toms sont blindés, il y a beaucoup de cétacés qui viennent, donc c'est facile d'aller les observer. Et du coup, on va à leur rencontre et puis on essaye de faire du recensement, c'est-à-dire on essaye de savoir quels sont les individus qui sont là, parce qu'on arrive maintenant facilement à les identifier avec les traces qu'elles ont sur le corps et notamment les formes et la texture de la nageoire caudale. Et puis, on essaye de décrire des comportements. Alors les baleines à bosse sont une des espèces de cétacés. Combien existe-t-il d'espèces de cétacés en tout ? 89 espèces. Ouais. On pourrait faire toute une émission sur les 89 espèces, tellement elles sont différentes et toutes intéressantes. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a des espèces, on les connaît très très très mal, on les connaît uniquement quand elles sont échouées, et elles sont plus vers dans les océans, les grands océans, en profondeur, etc. Donc c'est plus délicat. Pour les baleines à bosse, on est mieux lotis parce qu'elles viennent proches des côtes, et du coup, elles sont dans des zones où nous, on peut facilement aller en bateau les observer. Et toutes les espèces de cétacés produisent des sons. Là, on avait un petit aperçu du chant des baleines, on en écoutera plus tard, mais est-ce qu'elles produisent elles sont des sons vocales, elles sont extrêmement vocales, elles vont émettre des sons, comme tous les mammifères, peut-être pas la girafe, mais les autres, oui. Et ces sons vont servir pour structurer le groupe, pour interagir entre eux, et puis pour satisfaire leurs activités vitales, comme chasser, se reproduire, etc. Alors par exemple, vous qui êtes bioacousticien, vous en avez enregistré plusieurs, les orques, par exemple. Alors, des orques à Saint-Pierre-et-Miquelon. En fait, moi, quand je mets un hydrophone dans l'eau, c'est un microphone étanche, je suis tellement surpris par cette diversité de sons, par cette puissance du son, par le fait qu'ils vont l'utiliser en non-stop. Les orques, ils ont des stratégies, par exemple, de chasse, où ils se mettent en mode silence pour être le plus discret possible. Et après, ils vont remettre des sons pour coordonner la chasse et synchroniser la chasse. Donc, en fait, c'est un outil qui est prépondérant pour la communication. Et puis, des dauphins aussi, que vous avez enregistrés. Voilà, des dauphins, il y en a un peu partout. Il y en a en Méditerranée, il y en a aussi en Guadeloupe. Les dauphins utilisent des sons pour l'écholocalisation, c'est-à-dire qu'ils mettent des clics pour savoir ce qu'il y a devant eux et puis avoir des informations avec les échos, la réverbération de ce qu'ils peuvent utiliser. Et ils viennent vous cliquer quand vous êtes dans l'eau, ils viennent vous cliquer à moins d'un mètre pour savoir qui vous êtes et avoir des informations sur votre texture. Et il n'y a pas que les dauphins qui cliquent, les cachalots aussi. Et François Sarano, c'est d'ailleurs grâce au son de ces clics que vous retrouvez le clan de cachalots que vous étudiez maintenant depuis plusieurs années au large de l'île Maurice. Pas gagné, hein, il a du mal. Mais c'est toujours le premier clic qui est difficile à discerner, parce que au milieu du clapot du bateau, quand on dit il y est là, tu saisis le clic et après tu les entends. Tu y arrives, tandis que là, le premier est très difficile. J'entends bien ? Ouais, t'entends bien là, ouais. Ah bon, oui. Oh, c'est le concert, là. François Sarano, ils ont beau être gros, ces cachalots, ils ne sont pas si faciles que ça à retrouver, puisque c'est toujours le même clan de cachalots que vous allez retrouver au large de l'île Maurice. Ah oui, c'est avec eux, j'insiste là-dessus, avec eux, oui, que nous vivons une aventure bouleversante. Nous les retrouvons grâce à ces clics d'écolocalisation, de chasse. Là, ils sont dans les profondeurs, ils sont à 1000 mètres de profondeur, ils chassent les petits calmars, et c'est silence nous indique que ils chassent, ils vont remonter après avoir mangé et enfin nous allons pouvoir nous immerger à leur côté et écouter des tas d'autres sons extraordinaires, mais des sons qui sont plus dans la communication, je dirais même parfois dans la caresse. Ouais. Comme le dit Olivier, nous les ressentons ces sons, c'est pas simplement nous les entendons, on les ressent physiquement dans la cage thoracique, et quand ils viennent vers vous, ils font la vibration est telle qu'on a l'impression d'être caressé. Ouais. Rappelez-nous à quoi ça ressemble un cachalot, François Sarano. Un cachalot, ça ressemble à rien. Cachalot, c'est énorme. Les grands mâles, c'est 20 mètres, 50 tonnes. Ouais. Les femelles, c'est une douzaine de mètres. Les plus grosses. Mais c'est une énorme tête carrée qui est unique dans le règne animal. Et cette énorme tête carrée est due à une avancée juste devant le front, qu'on appelle le melon, et qui est cet organe formidable, rempli d'une cire très fine, qui permet d'amplifier le petit, pour faire un très fort, amplifier le clic, et donc chasser et communiquer. Alors ces cachalots sont des plongeurs hors pair, hein. Ils peuvent descendre jusqu'à quelle profondeur exactement ? Alors les records, on dit 2000 mètres, mais la chasse c'est souvent entre 600 et 1000, 1200 mètres. Mmh. Il faut bien réaliser quand même que quand on va à 1000 mètres, c'est 100 fois la pression atmosphérique. Oui. Et ils le font en une quinzaine de minutes. Mmh. Et aussi une température de 27 degrés dans les eaux de surface à 6-7 degrés là. Donc c'est un changement brutal que son corps subit. Oui. Impossible donc de les suivre à de telles profondeurs avec ces changements brutaux, mais en enregistrant les fameux clics qu'ils produisent dont vous nous parlez, on peut essayer de déduire ce qui se trame à 2 km sous la surface, comme ici dans cette scène de chasse. Les clics s'accélèrent. Le cachalot a repéré une proie dans le faisceau de son écholocation. Les clics s'accélèrent encore. Et soudain, le silence. Le cachalot a attrapé sa proie. Les clics reprennent. Il repart en chasse. Extrait du documentaire Les géants des mers. François Sarano, on est certain qu'il s'agit d'une scène de chasse à ce moment-là ? Presque certain, mais on suppose. Personne ne l'a jamais vu. Oui. Personne ne l'a jamais vu. Et on peut imaginer qu'ils aient d'autres moyens de percevoir leur environnement. Je prends l'exemple des éléphants de mer. Les éléphants de mer ne font pas d'écholocalisation et ils chassent à la même profondeur des poissons tout petits qu'on appelle les myctophidés et puis aussi des calmars. Eux les trouvent bien et sans écholocalisation. Mmh. Donc on peut, voilà, on pense que c'est de l'écholocalisation, mais ça peut être aussi de la communication parce que ils signalent par leur clic l'endroit où ils sont à leurs congénères, hein, et ils communiquent en même temps avec la surface, parce que le petit qui est resté en surface face, il écoute comme ça où se trouve sa mère. Alors, Olivier Adam, l'écolocalisation reste quand même un sens très puissant pour ces cachalots. Oui, bah, je pense que si on faisait un petit peu attention, on devrait être capable de le faire aussi, parce que nous, on est sensible à la réverbération, par exemple. En fait, c'est le paysage acoustique. Mais quand on crie sur une montagne et qu'on a un écho, on sait que la montagne est devant nous et on peut calculer avec la différence de temps que l'écho met pour nous revenir, la distance à laquelle est la montagne. Donc là, c'est le même principe, en fait. Ils vont envoyer des sons, ils vont avoir un écho qui vont leur revenir et donc ils vont avoir la description de ce qu'il y a devant eux. Contrairement à ce qui est écrit dans certaines publications, ils vont pas chercher à savoir ce qu'il y a à un kilomètre devant eux, ils vont chercher ce qu'il y a à proximité d'eux. Et le fait d'envoyer un son et d'avoir, par exemple, s'il y a du calmar qui est devant eux, puisque c'est leur nourriture privilégiée, une réverbération qui vient du calmar, et donc comme ça, ils vont pouvoir savoir le localiser et le suivre, comme le fait la chauve-souris avec quand elle va émettre des clics très fins vers des moustiques qui se déplacent devant elle. François Sarano ? Oui, ça n'est pas un sens qui lui est propre. Un certain nombre de non-voyants utilisent l'écholocalisation à la fois passive, les bruits qui sont autour, et active, en frappant dans les mains ou en cliquant. Et ils arrivent à se déplacer à travers des obstacles, à reconnaître des feuillages. Donc c'est un sens que nous n'avons pas développé, mais que nous pourrions développer. François Sarano, vous vous souvenez de votre première rencontre avec les cachalots? Ça remonte à une vie lointaine, dans les années 80. Vous étiez à bord de la Calypso avec le commandant Cousteau. Oui, alors c'était à bord de la Calypso, on était en Nouvelle-Zélande, à Kaikoura, un haut lieu de la chasse aux cachalots, parce que nous sommes dans les années 80 et la chasse vient tout juste de s'arrêter. Le moratoire, c'est 82 le moratoire sur la chasse. Et donc, j'avais promis à Cousteau qu'on allait plonger avec les cachalots. On a plongé avec les cachalots, mais on ne les a pas vus. Parce que à peine dans l'eau, ils avaient déjà fui le bateau, mais ils nous ont fui, nous. Le changement est radical. Ouais. Aujourd'hui, 30 ans après l'arrêt de la chasse, les cachalots nous accueillent. C'est eux qui nous offrent les découvertes que nous faisons aujourd'hui. C'est eux qui nous interpellent. Et bien souvent, c'est eux qui nous étudient. C'est eux qui tentent de nous apprivoiser. C'est un retournement de situation phénoménal. Ouais. Et un peu comme l'arroseur arrosé, le chercheur lui-même étudié, c'est tout à fait bouleversant. Ouais. Faut pas perdre de vue, hein, Olivier Adam, que ce sont des cétacés, que ce sont des mammifères. Si on remonte un peu longtemps en arrière, par exemple, au temps des dinosaures, il n'y avait pas de baleines, il n'y avait pas de cétacés dans les océans. Les ancêtres de ces cétacés vivaient sur Terre avec quatre pattes à cette époque-là. Alors, l'évolution a été, certains disent rapide, d'autres disent non, parce qu'il va falloir un certain nombre d'années, de millions d'années, pour pouvoir passer du milieu terrestre au milieu aquatique, et la progression s'est faite relativement longtemps. Donc Pachycétus, c'est en gros un loup, enfin un animal à quatre pattes en tous les cas, qui tout d'un coup s'intéresse aux eaux, probablement parce qu'il y a de la nourriture, et qu'il est un petit peu motivé d'aller dans l'eau pour se nourrir, parce que c'était plus facile que de courir derrière des proies. Il commence à ça, et puis tout d'un coup, après 15 millions d'années, tout doucement, son corps va s'adapter, sa morphologie va s'adapter au milieu marin, et puis il va faire des allers-retours entre l'eau et la terre, et puis après il va perdre certains membres qui vont se transformer, la queue va commencer à pouvoir l'aider à se déplacer dans l'eau, et puis finalement, après 15 millions d'années, il va rester dans l'eau, il va être dépendant de l'eau, il va plus jamais revenir sur Terre, et il va commencer à conquérir les océans, et se transformer comme on voit maintenant les grandes baleines, avec deux axes totalement différents, les odontocètes qui sont restés des chasseurs très aguerris, très toniques, courant après les proies, et puis les grandes baleines, baleines bleues, baleines à bosse, etc., qui eux sont plutôt tranquilles, qui vont se nourrir, se goinfrer pendant 2-3 mois, et puis après passer plus de temps pour la reproduction. Mais tous ces cétacés, François Sarano, ont un seul et même ancêtre terrestre. Oui, et c'est intéressant, c'était il y a 55 millions d'années, à l'Éocène, une période particulièrement chaude, où la mer avait envahi les terres, où les points d'eau, où il faisait très très sec, et donc les animaux se sont rapprochés de ces zones à la fois plus fraîches, et puis ils y ont trouvé de la nourriture, et donc se sont lancés à la conquête des océans. Mais cela met en évidence une chose, c'est que ces animaux qui doivent respirer à la surface, sont dans un milieu hostile. Et c'est l'héritage de leurs ancêtres terrestres. On imagine qu'ils sont super adaptés. Ben, ils sont moins bien adaptés que les poissons. Et ils doivent tous les jours surmonter ce handicap de venir respirer en surface, respirer en surface. La surface, pour eux, c'est un point essentiel. Et n'oublions pas que quand le petit naît, il naît dans l'eau. Et il est obligé de venir rapidement respirer en surface. Et parfois, il a besoin de l'aide de ses nounous. Les baleines à bosse, les cachalots, les orques, les dauphins sont des mammifères dont les comportements sociaux commencent à peine à être découverts. Nous nous offrons une plongée dans les sociétés encore très secrètes des cétacés cet après-midi sur France Inter. Une histoire histoire de baleine, c'est ça les gars, histoire de baleine, nous deux. Mes amis, bien vite, vous saurez mes rêves et l'histoire de mes amours trop près. Histoire de baleine, nos grands yeux doux, histoire vraie malgré tout. C'était Overseas Telegram de Serge Gainsbourg. France Inter, du vent dans les synapses. C'est le deuxième temps de la danse. 40 tonnes, tout en cabriole, en révérence. Les sirènes nous entraînent vers le fond, en nous guidant de leur ventre blanc. Dans leur douce folie, elles nous toisent de leurs nageoires démesurées, qui nous frôlent, mais heureusement ne nous touchent jamais. Étonnante délicatesse. Leur chant nous sonne, nous percute comme un appel à rester plus longtemps sous l'eau. Devenir sirène. Mais le courant essaie de nous séparer, nous épuise. Il nous faut respirer sans cesse, alors que ces divas nous réclament. Nous luttons pour rester avec elle par 15 mètres de fond, tendant les bras pour imaginer l'étreinte improbable. Extrait du documentaire Un monde de glace dans lequel les apnéistes Laurent Marie, Tanguy Le Goff et Olivier Grenier plongent avec 4 baleines de 15 mètres dans les eaux qui bordent l'Antarctique. Vous avez déjà vécu une expérience semblable, François Sarano ? Oui, avec des baleines, mais la plus belle rencontre a été la première, c'était dans les années 80. Là encore, on est à la fin du grand massacre, et les baleines nous fuient. Ce jour-là, c'était à Madagascar. Avec Michel Deloire, nous sommes à l'eau, et une baleine et son baleineau approchent, et viennent droit, nous regardent, et puis, avec une délicatesse infinie, se tournent vers le baleineau, et s'en vont. 7 secondes, ça a duré. 7 secondes d'un bonheur infini. Aujourd'hui, ça paraît dérisoire, tant il est facile de se laisser approchés par les baleines. C'est toujours les baleines qui décident, les cachalots décident, les dauphins décident. Et cette offre-là est juste bouleversante et encore une fois, nous fait réfléchir sur notre place que nous avons sur cette planète et la relation que l'on doit avoir à l'égard et le respect que l'on doit avoir à l'égard de ces animaux. Olivier Adam, on trouve beaucoup de baleines à la fois dans les eaux froides, hein, Arctique et Antarctique, et puis parfois au large de Madagascar, et parfois ce sont les mêmes que l'on trouve au pôle ou sous les tropiques, ça dépend de quoi en fait. Les baleines à bosse en fait font des routes migratoires entre les zones d'alimentation qui sont les zones froides et les zones de reproduction qui sont dans les zones de température. récupérer. Et donc, par exemple, si vous parlez de l'océan Indien, les baleines à bosse, la population qui vient autour de la côte est africaine jusqu'aux îles Mascareignes, en fait, viennent de l'Antarctique où elles s'alimentent. Et après, elles viennent se reproduire autour de Madagascar. Et à peu près 7 à 8 000 baleines, estimation comme ça, mais et c'est un plaisir d'aller les voir. Quoi. Mmh. Est-ce qu'elles chantent tout le temps ou à des moments précis? Alors, elles chantent principalement pour les zones de reproduction. Ouais. Nous, on en a enregistré à Saint-Pierre-et-Miquelon où elles viennent s'alimenter, mais de façon beaucoup plus rare. Par contre, dans les zones de reproduction, alors là, le chant est constant. Les mâles viennent chanter. Alors, l'hypothèse principale qui avait été émise par les biologistes, c'était d'attirer les femelles, ou en tous les cas, d'impressionner les femelles. Bon, on n'est plus vraiment sûr de cette hypothèse-là, parce que quand on fait du playback de chant, les femelles s'en vont. Ah bon ? Donc, on a un petit tendance à dire qu'on ne sait peut-être pas exactement ça, mais peut-être parce qu'on est moins bon que les mâles, on sait maîtrise pas. Moins peut-être le langage. C'est ça. Et par contre, donc, la deuxième hypothèse, c'est la délimitation de territoire, ou en tous les cas, de signaler aux autres mâles qui sont aux alentours que il y a un mâle qui est présent, et vu qu'ils sont beaucoup dans l'impression, enfin ils essayent de se montrer par rapport aux autres mâles, parce que la compétition est extrêmement forte chez les baleines à bosse pour accéder aux mâles, le chant fait partie de cet arsenal qui déploie pour accéder aux femelles. Alors aidez-nous Olivier Adam à analyser un chant de baleine que vous avez enregistré au large de Madagascar. Alors, en fait, on a enregistré ces sons-là avec l'association Cetamada. En fait, on a pas mal d'observateurs maintenant à travers le monde qui font des enregistrements. Et on s'intéresse au chant. En 1971, il y a une publie dans Science qui a été le point de départ de toute la recherche en bioacoustique des cétacés, qui est une publie qui a utilisé pour la première fois le mot chant. Une publie qui a été écrite par Roger Penn et Scott McVeigh. Et en fait, ils se sont aperçus que les vocalises que vous entendez là, en fait, n'ont pas un nombre infini et qu'elles sont organisées dans le temps. Donc, on va pouvoir extraire des phrases. Il va y avoir vocalise A, A, A, B, B, A, A, A, B, B, C, etc. Et donc, du coup, on extrait ces phrases et on organise ces phrases et ça fait le leitmotiv du chant. Et après, il y a eu beaucoup de recherches qui ont eu lieu dans les années 80, dans les années 90, et notamment sur l'évolution du chant. Et en fait, les baleines, d'une année à l'autre, vont garder des leitmotivs un peu cohérents les uns des autres. Elles vont ajouter quelques vocalises ou en enlever quelques-unes. Et on estime à peu près à une quinzaine d'années le renouvellement des leitmotivs d'un chant. On appelle ça l'évolution culturelle. Ouais, donc il y a une évolution dans le temps, il y a aussi des différences en fonction des régions. En fait, elles parlent des dialectes différents, ces baleines. Oui. Bah oui, parce qu'elles se voient pas. Enfin, moi, je suis parisien, donc je vais pas avoir le même dialecte des Marseillais. Ouais. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais en tous les cas, c'est pas forcément le bon exemple. Voilà, je suis pas sûr qu'il plaise à nos auditeurs. Ce qui est sûr, c'est que dans les océans, enfin, les baleines qui sont dans les Antilles n'entendent pas les baleines qui sont à Madagascar, dans l'océan Indien, et donc elles vont pas avoir les mêmes leitmotivs et les mêmes vocalises. On va avoir un aperçu de cette diversité. Alors d'abord, le son donc d'une baleine qui croise au large de Madagascar. Et maintenant, nous allons écouter une baleine proche de Saint-Pierre-et-Miquelon. On est sûr que c'est une baleine qui fait ce son-là ? Ah oui, alors c'est étonnant, hein ? Oui. Ça, c'est étonnant. On a des enregistrements de Saint-Pierre-et-Miquelon, on ne sait pas qui les a émis. Non, mais ça, par contre, on est sûr que c'est une baleine à bosse. Oui. Ouais. Et alors, près de la Guadeloupe, encore une autre version de chant. Ça, c'est exceptionnel. En fait, on est devant la Désirade. Et quand on fait l'enregistrement, il y a donc une réverbération que là, vous entendez, qui est étonnante. Hein. Ouais. Et moi, j'étais pas tellement préparé parce que j'avais pas exactement travaillé la bathymétrie. On est venu très vite, on a fait les enregistrements. Et pendant une demi-heure, je cherchais sur le bateau où était ce fameux option réverbération parce que je pensais que c'était l'enregistreur qui mettait la réverbération. Et en fait, je suis allé voir mes collègues à l'Université des Antilles en disant, mais vous auriez la bathymétrie du lieu. Et là, il y a 5 km de profondeur. Le chanteur que vous entendez, là, il est devant le tombant. Et donc, ça résonne complètement son chant. Alors, je ne sais pas s'il s'est mis là parce que ça résonne probablement, mais lui, il s'entend en tous les cas. Donc, il sait qu'il y a 5 km de profondeur en sous lui qu'il n'ira jamais voir parce que les baleines à bosse ne descendent pas à très grande profondeur. Alors, ça veut dire que cette baleine, elle est en train de s'amuser à jouer avec l'écho ou elle est en train de sonder la profondeur du trou ? Ça va être difficile de répondre à cette question-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on pose la question à des chanteurs, il y a des chanteurs qui préfèrent chanter dans les cathédrales plutôt que dans les studios parce que dans les cathédrales, il y a une texture, il y a une chaleur du son et ils aiment jouer avec ça. François Sarano ? Qu'est-ce que vous pensez de cette baleine qui s'écoute chanter ? Elle s'écoute peut-être pas chanter, mais elle utilise certainement la réverbération pour avoir un son plus ample qui, vraisemblablement, va plus loin et s'entend mieux. J'entendais tout à l'heure les histoires de dialectes chez les baleines à bosse. C'est la même chose chez les cachalots, mais au niveau juste du clan. Les orques, c'est pareil. Hein. Les orques, les groupes d'orques ont des chants, enfin ont des sons spécifiques au groupe. Et d'ailleurs, et à l'écotype aussi. Et du coup, il est possible de les reconnaître, de les identifier uniquement avec leur son, avant même de les voir en surface. Mais donc, les scientifiques n'hésitent plus à parler de culture dans ces groupes de cétacés. Bah, c'est incroyable. Évidemment. Vous dites que c'est évident. Évident parce que c'est transmis. Mais on le voit avec les chants, on le voit avec des techniques de chasse très complexes, comme chez les orques à Valdez, où il faut des années pour apprendre à chasser les otaries qui sont sur la plage. Hein, il faut d'abord que les mères apprennent à leurs jeunes à surmonter leur peur innée de s'échouer sur le rivage. Et puis après, il faut apprendre à s'échouer, se déséchouer. Et puis après, il faut aller capturer l'otarie. Il faut apprendre à rester silencieux, à écouter le bruit des cailloux des petites otaries qui sont au bord du rivage. Et puis après, à savoir où exactement elles sont, sans les voir, sans écolocalisation, et après les capturer. Et puis, il y a une population de dauphins à Shark Bay en Australie qui utilise des éponges pour ne pas déchirer son nez lorsqu'ils vont chercher les poissons enfouis dans les débris coralliens. Eh bien, cette utilisation particulière des éponges est transmise de mère en jeune, en petit, au point que dans la même population, ceux qui utilisent des éponges et ceux qui n'apprennent pas et qui n'utilisent pas se séparent petit à petit. Et il y a dès aujourd'hui, après quelques années, une trentaine d'années, une petite différence génétique qui conduira peut-être à une spéciation. La culture est à l'origine de la différence des espèces. C'est pourquoi je réagis sur tout à l'heure. On parlait de l'espèce de baleine, de 80 espèces cétacées. C'est fini, ça! Ça n'existe plus! Il faut le faire exploser! Il faut parler en population. Population à valeur d'espèce. Et on va même dire mieux, individu, parce que chacun a une histoire propre. Et cette histoire propre, elle est unique, comme celle de Daniel Fievé, comme celle d'Olivier Adam. C'est des histoires uniques au monde, irremplaçables. Donc arrêtons de parler d'espèce, parce qu'en matière de protection, ça n'est pas la même chose si on parle de 80 000 animaux, ou si tout d'un coup on se dit qu'il y a une petite population d'orques à Valdez qui compte une vingtaine d'individus, une petite autre population qui a une autre culture complètement différente et qui sera effacée pour toujours si jamais on la perdait. Alors il y a cette culture, il y a cet apprentissage aussi, et les baleines du coup apprennent à chanter à leur naissance. Alors soyez attentifs, c'est un très bref son que vous avez enregistré, Olivier Adam, justement, des premières tentatives de chant d'un baleineau. Quel âge il a, ce baleineau qui est en train d'apprendre à chanter là ? Une semaine, probablement une semaine. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a commencé un gros programme d'interaction mère-baleineau avec la question, il y a 5 ans, hein, je veux dire, c'est quand même assez récent, on se demandait, mais en fait, est-ce qu'un baleineau émet des sons dès sa naissance ? Puisque nous, à Madagascar, on a la possibilité d'accéder à des baleineaux qui viennent de naître de quelques jours, quoi. Et ça, c'était une première question. Et en fait, la réponse est oui. Déjà parce que le système respiratoire, enfin, le générateur vocal qui leur permet de faire des sons, c'est leur système respiratoire. Donc, du coup, ils respirent tout de suite. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils n'en même pas fassent des sons. Et là, en fait, les interactions qu'il y a avec la mère, c'est principalement le contact. Ils sont très, très tactiles, mais après contact visuel et après le son. Et c'est vrai que ce petit son très court, un peu aigu, mal ficelé, en fait, finalement, traduit un petit peu l'inquiétude probablement de ce baleineau qui est éloigné de sa mère. Alors, il est fort, ce lien entre le baleineau et sa mère. Pendant la première année de sa vie, il ne va pas quitter sa maman, le baleineau. Et d'ailleurs, François Sarano, vous avez travaillé avec Jacques Perrin sur le film Océan. Et dans ce film, on peut voir ce lien étroit entre la mère baleine et son petit. Lorsque la mère baleine porte son petit pour sa première respiration sur son énorme museau et que le petit, tout blanc, à peine déroulé, il est encore tout plié, fripé, il dote de ligne, il sait pas nager, il sait pas dans quel sens il part des fois. Il est porté, oui, on sent toute l'attention qu'une mère humaine pourrait porter à son propre enfant. Il y a des résonances incroyables. Et les baleines à bosse, mais comme les cachalots. On a assisté cette année à quasiment la naissance de la petite Lana qui est née dans la nuit du 20 au 21 février. Il y avait autour son frère Arthur, sa nounou Yukimi et sa mère Irène Gueule-Tordue qui le choyaient. Et la maladresse du petit contrastait avec cette attention de tous ses proches pour la soutenir. François Sarano, le clan de cachalots que vous suivez depuis plusieurs années au large de l'île Maurice vous permet d'étudier très finement cette structure sociale des groupes chez cette espèce de cétacé. Nous allons voir ce que vous avez appris de la vie en communauté des cachalots dans un instant. Vous écoutez France Inter, du vent dans les synapses. Regarde ! Les baleines, Robin, là, là, là, elles sont là, à côté ! Robin, regarde là-bas, regarde! Elles vont ressortir devant le bateau, Robin. C'était À tes côtés de Étienne Dao et Malik Djoudi sur France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Comment vient-on à connaître ce qui ne peut l'être? Quelle faculté doit-on avoir pour cela? Depuis que l'on a découvert que l'huile de baleine éclaire nos villes mieux que jamais, la demande est mondiale et pousse l'homme à s'aventurer de plus en plus dans l'immensité des flots inconnus. Nous ignorons leurs abysses et la multitude de créatures qui les peuplent. Cette question me déroute et m'exalte à la fois. Voilà pourquoi je vous écris à nouveau afin que vous me receviez. Converser avec vous, je le crois, m'aiderait grandement dans mon projet de roman, qui pour l'heure s'intitule « Moby Dick ». Puissiez-vous reconsidérer mon offre ? L'inconnu. C'est là que mon imagination aspire à s'aventurer. Aussi, la question me hante sans fin. Comment en vient-on à connaître ce qui ne peut l'être? Sincèrement vôtre, Herman Melville. Extrait du film Au cœur de l'océan, où l'on retrace la genèse du roman de Herman Melville, Moby Dick. Autour de la table, le bioacousticien Olivier Adam, commissaire de l'exposition Baleinopolis, les sociétés secrètes des cétacés, présenté à l'aquarium de la Porte Dorée à Paris, et le plongeur océanographe François Sarano. Vous avez publié, François, chez Actes Sud, le retour de Moby Dick. Votre but est de nous faire changer de regard sur ce cétacé que l'on a pendant longtemps considéré comme un animal sanguinaire. Pour quelle raison? Mais parce que les gens n'étaient pas allés le rencontrer. Et nous voulons, nous qui sommes accueillis par eux, porter leur voix et dire, à l'inverse, que ces animaux non seulement sont extraordinaires, mais qu'ils veulent communiquer parfois avec nous. Il ne s'agit pas de dire on va parler cachalot et parler... Non, ça, on ne comprendra jamais les cachalots, ils vivent dans un monde trop différent de nous. Mais par contre, on peut échanger sans se comprendre. Il n'est pas nécessaire d'échanger de l'information pour pouvoir passer des moments extraordinaires. Et ils nous invitent régulièrement. C'est tout l'inverse du monstre qui a été présenté dans Moby Dick. Ouais. Le retour de Moby Dick, c'est le retour, au contraire, de la relation avec un animal doué, de capacité cognitive exceptionnelle et d'empathie. Ce qui caractérise les cachalots, c'est qu'ils ont des cellules miroirs, d'ailleurs, qui sont des cellules spécifiques à tout ce qui est le relationnel, la vie en société, et l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et on voit chez les cachalots, lorsqu'il y en a un qui va pas bien, lorsqu'il y en a un qui est en difficulté, comment les autres se portent, même s'ils ne sont pas de la même famille, se portent à son aide. Et alors maintenant que la chasse est terminée, la chasse aux cachalots est interdite, petit à petit, ils reprennent confiance en l'humain, ils s'approchent de vous. Et François Sarano, vous avez été témoin d'une scène assez incroyable. Dans le groupe que vous allez voir régulièrement maintenant au large de l'île Maurice, l'un des cachalots que vous avez baptisé Elliot tourne autour du bateau et ouvre sa gueule. Et vous mettez du temps à comprendre ce qu'il demande exactement, mais vous finissez par comprendre ce qu'il est en train de vous demander, ce cachalot. Alors c'est Hugues Vitry, mon ami qui reste régulièrement là-bas, qui a vécu cette aventure. Et ce cachalot s'appelle Elliot, on le connaît depuis longtemps. Plusieurs fois, il est venu nous interpeller et danser avec nous. Et avec moi-même, tenter de m'apprivoiser en utilisant les expressions sonores spécifiques du groupe. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ce qu'on entend actuellement d'ailleurs. Ouais. Et ce cachalot-là est particulièrement explorateur. Donc... il est venu brutalement au devant de Hugues et de sa compagne Karen qui était dans l'eau, la gueule grande ouverte, et ils ont pris ça pour une menace. C'était inhabituel, mais Elliot a continué à tourner autour du bateau, la gueule grande ouverte, hors de l'eau. Ça s'est passé trois fois de suite, ça a duré une demi-heure, et au moment où Hugues a dit « aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe, nous allons nous en aller », Karen a « oh, il y a un hameçon au fond de sa bouche ». Il a fallu une demi-heure à ce pauvre Elliot pour faire comprendre à Hugues et Karen qu'il avait un problème très grave, c'est qu'il avait un hameçon au fond de la bouche qui le faisait saigner le palais. Donc, intentionnellement, ce cachalot est venu demander de l'aide. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'après, lorsque Hugues s'est mis dans l'eau et a posé sa main sur son melon pour oser rentrer le bras dans la gueule du cachalot, Elliot a ouvert sa gueule grandement et a supporté la douleur de l'arrachage de l'hameçon. Et après, a fait la fête à Hugues. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire quand on refait tout le processus, c'est que c'est un animal sauvage, libre, indompté, qui essaye de trouver une solution à son problème et va vers une autre espèce. Donc, il imagine cette autre espèce. Il se fait une projection mentale de ces animaux qui ne sont pas là et qui dit peut-être ils vont avoir la solution. Donc, c'est un premier pari. Lorsque Hugues enlève l'hameçon, il se contrôle complètement. Essayez de faire ça avec votre chien. Je vous le déconseille. Il va vous mordre. Ses réflexes. Ah, tout de suite, il va mordre. Alors que lui, il se contrôle parfaitement. Mais c'est un pari qu'il fait parce qu'il ne sait pas que Hugues va le soigner. Donc, cette capacité analytique, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Tout ce processus, et c'est ce qui correspondait à ce qu'on pensait être le propre de l'homme. Alors, ce clan que vous allez voir régulièrement, vous les reconnaissez, vous les avez tous identifiés, vous leur avez tous attribué un nom. Est-ce que eux vous reconnaissent? Il n'y a aucun doute, vous ne posez pas la question pour un chien ou pour un cheval, ou ça, c'est évident. Donc les cachalots qui ont tout leur sens tourné vers la reconnaissance du monde extérieur, bien sûr qu'ils nous reconnaissent, il y a zéro doute là-dessus. Et je peux dire une chose, Irène Gueule-Tordue, qui est amoureuse de René Heuzet, non seulement le reconnaît, mais quand elle remonte du fond, elle vient souvent derrière lui, et parfois on a l'impression qu'elle regarde dans son viseur pour voir s'il fait un bon plan des petits. Hein. Donc elle se met sur son épaule et on lui dit « René, derrière toi, il y a Irène !» Ça dit un peu trop de l'anthropomorphisme quand même. Alors, anthropomorphisme, c'est parler de choses humaines en les mettant dans les corps des animaux. Moi, j'essaye de traduire ce que je vois en langage humain. Je n'ai que ces mots, maladroits, pour essayer de dire ce que je vois et ce que je ressens. C'est la plus mauvaise, mais la meilleure des interprétations que je puisse faire, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Attention, l'anthropomorphisme, ça n'est pas ça. C'est pas parce que je donne des noms que je fais de l'anthropomorphisme. C'est parce qu'en donnant des noms, je reconnais à chacun une identité propre et une personnalité. Et à l'inverse, si je donnais une appellation alphanumérique, je mets immédiatement une distance. C'est ce qu'on fait dans les camps de concentration pour nier l'identité des gens. Et tout d'un coup, je peux m'interdire de chercher ces œufs une identité, et c'est pour ça que je pense, jusqu'à présent, les scientifiques qui ont regardé trop de l'extérieur ont vu globalement du cachalot, de la ressource cachalot, et pas des individualités. Enfin, je parlais d'anthropomorphisme pour le cachalot qui vérifie le cadrage de la caméra. Ah oui, vous oui, oui, l'accordez ah, bah, quand même. Évidemment. Comment se compose évidemment, le groupe, évidemment, comment évidemment, se compose le groupe que vous suivez exactement? Alors, j'insiste, c'est avec eux qu'on est. On les suit pas, eux. Donc, 17 femelles adultes et 11 jeunes. Ce groupe est à la fois hétérogène et très homogène. Matrilinéaire. Tous les cachalots de ce clan ont une ancêtre commune. Sauf une qui a été adoptée, c'est une particulière, Claire, qui a été adoptée par le clan et qui vient d'une autre famille. Et donc, on a tout l'arbre généalogique et nous avons Docaleu, qui est la mère de Lucie et de Mina, qui elles-mêmes sont les mères donc de Darren, Ali et Roméo. Donc, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, et nous remontons même maintenant jusqu'à l'arrière-grand-père qui est décédé en 2007 à Kerguelen et qui unit l'ensemble de ces cachalots. C'est une révolution. Oui, les pères jouent un rôle très important dans les structures sociales et dans la transmission culturelle. Ouais, alors vous avez à la fois l'arbre généalogique et puis vous pouvez observer les relations. Vous avez notamment enregistré des clics qui leur servent pas seulement à s'orienter et à chasser, mais qui leur servent aussi à communiquer entre eux, entre ces cachalots. Vous avez enregistré ces clics pour tenter d'en comprendre la signification. 8 clics. Ces séries de clics constituent des expressions sonores, appelées coda. Irène semble s'adresser à la femelle qui la précède. Indifférente et silencieuse jusque-là, Amy, que l'on reconnaît à sa pectorale en pointe, envoie à son tour une série de 8 clics tout à fait semblables. Bientôt, les deux cachalots entonnent simultanément leurs clics et se rejoignent pour un vibrant contact physique. François enregistre les retrouvailles entre un nouveau-né d'à peine une semaine et sa mère qui remonte de la chasse. C'est une grande première. Personne n'a jamais enregistré les clics d'un nouveau-né. Et mieux, il utilise lui aussi des codas à 8 clics. Ça clique de tous les côtés. J'ai un enregistrement de fou. De fou. Extrait d'un documentaire intitulé « Le clan des cachalots » qui sera diffusé prochainement sur Arte et qui sera projeté en avant-première lors du festival Atmosphère qui se tiendra à Courbevoie à La Défense du 8 au 13 octobre prochain et dont France Inter est partenaire. François Sarano, l'enregistrement de cet échange entre une mère, cachalot, et là encore son tout jeune, est une première. On a une séquence d'apprentissage. Elle apprend le langage du groupe. Alors, apprentissage, mais comment? Est-ce que c'est par imitation? Papa, papa. Ou par imprégnation ou par enseignement? Enseignement, c'est très court, c'est pas possible, une semaine. En revanche, le bébé qui est dans le ventre de sa mère reçoit en permanence les bruits ambiants, donc les expressions sonores ambiantes et cette fameuse coda à 8 clics qui est propre à ce groupe. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous observez les comportements, vous avez aussi cet arbre généalogique et vous observez par exemple le père qui est loin, qui ne revient pas très souvent sur le clan, mais quand il revient, il a tout de suite son auditoire, tout le monde l'écoute, le père cachalot. Voilà. Alors là-dedans, il y a deux choses nouvelles. D'abord, on vient de montrer que les pères étaient fidèles et revenaient dans les groupes où ils ont des descendants. Mais quand ils arrivent, contrairement à d'autres mâles reproducteurs, que tout le monde fuit parce qu'ils sont agressifs, sont même capables, chez certains mammifères, de tuer les petits d'une femelle pour pouvoir s'accoupler. Ici, quand le mâle arrive, on vient l'honorer, on vient le caresser. Tout le monde, toutes les femelles alentour, et plus important que ça, même les jeunes, les plus jeunes mâles, ici tout le groupe de nos 7 jeunes mâles et les petites femelles viennent le caresser, se poser sur sa tête, je dis bien se poser, melon contre melon, pour mieux ressentir les... les échanges sonores. Cela veut dire que le mâle vient pour une raison sociale. Les petits sont pas là pour la reproduction. Donc l'échange est d'ordre social. Oui, les mâles cachalots jouent un rôle prépondérant dans l'échange de la culture, de quelque chose. Et j'espère que, grâce à l'étude de ces expressions sonores, on aura peut-être à relier information et comportement. Ils sont très tactiles, hein, ces cachalots. Ils passent leur temps à se caresser, à se frôler. Les maîtres de la caresse. Tous les jours, ils se caressent. Des caresses et des câlins très, très appuyés. Il y a du bonobo chez le cachalot, hein, François Sardou. Alors oui, nous avons... Alors, chez les cachalots, l'homosexualité entre femelles adultes est très, très banale. On en a des dizaines et des dizaines d'enregistrements et de films d'enregistrements parce que lorsqu'une femelle veut appeler une autre femelle, elle utilise cette fameuse coda à 8 clics qui demande un contact physique. Mais plus intéressant encore, c'est qu'il y avait des couples fidèles. C'est-à-dire que Delphine, elle aime bien Vanessa. Et quand Delphine appelle, Vanessa vient. Et donc, le couple se forme. Olivier... Ce qui est vraiment important, c'est qu'on voit l'évolution de la science. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est la description de chaque individu du groupe, avec chacun un rôle, chacun un lieu. Et puis, le fameux nouveau rôle que les mâles sont en train de jouer chez Cachalot, on n'imaginait pas ça il y a juste 10 ans. Suite de notre immersion dans les sociétés secrètes des cétacés, on va s'intéresser aux orques et aux dauphins aussi dans un instant. C'est calme ici ce soir. Tu entends le chant lointain des baleines chanteuses. Merveilleux. Je me demande ce qu'elles se disent. Non, ça c'est la sirène d'une barge de déchets toxiques. Là, tu entends? Ça, ce sont elles. C'était Cigarette After Sex sur France Inter. Et la programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez. Souffle, souffle, juste sous le nuage. Il y en a un deuxième là, là. France Inter. Lavine, là, devant. 5 degrés sur tribord. Ouais. Tu les vois là? Il y en a deux, hein. Du vent dans les synapses. Et ça souffle là. Oh, il y en a un autre là. Là, regarde le dos. 2, 3. Daniel Fievé. Là, c'est bon. Ils sont 3, il y a un troisième qui vient de remonter là. 4, il y a un quatrième qui vient de refaire surface. Toujours dans le sillage des cétacés avec l'océanographe François Sarano et le bioacousticien Olivier Adam, nous découvrons avec eux à quel point ces mammifères ont des relations sociales riches et propres à chacune des espèces. Tous les cétacés vivent-ils en groupe, Olivier Adam ? Oui, mais avec des recettes différentes. Et dans Banéopolis, par exemple, on prend quatre espèces, et les quatre espèces qui sont baleine à bosse, cachalot, orque et dauphin, on montre en fait qu'elles vont déployer des sociétés totalement différentes, certaines qui sont extrêmement soudées, comme les orques, autour de la mère qui garde tous ses petits, ou les communautés de femelles avec les cachalots, ou des dauphins qui sont un système de fusion-fusion, c'est-à-dire qu'ils restent entre copains, il n'y a pas de lien familial fort, mais il y a 2, 3, 4, 5, 6 individus qui restent entre eux et qui vont après dans différents... groupe autour d'eux, donc et puis les baleines à bosse qui se retrouvent ensemble pour des activités vitales comme la reproduction et l'alimentation, mais qui sont sinon le lien le plus fort étant avec leur baleine. Donc des structures différentes qui dépendent de leur comportement, de leur personnalité et de leur environnement. Et c'est aussi cette organisation sociale soudée qui leur a permis, vous le rappeliez, hein, François Sarano, ces mammifères ne sont pas aussi adaptés que les poissons parce qu'ils doivent remonter à la surface pour respirer. Pour eux, tout est peut-être un peu plus compliqué. L'union fait la force ? L'union fait la force. Et chez les cachalots, l'union a fait le cachalot. On loue toujours les capacités physiques, physiologiques du cachalot et on dit que c'est elles qui lui ont permis d'aller chasser à la grande profondeur. Non, c'est la société. Parce que les petits qui ne peuvent pas retenir leur souffle aussi longtemps, qui ne peuvent pas supporter ces pressions, restent en surface pendant que la mer descend dans les profondeurs. Par conséquent, à la merci des prédateurs, dans un endroit où il n'y a nulle part où se cacher, ils seraient tués par les orques, les globicéphales ou des requins. Alors, la clé de ça, c'est la solidarité et c'est la nounou. Et quand les mères sont ensemble, au fond, elles gardent la crèche. C'est cette société très soudée qui est servie par un cerveau social. Le cachalot ne se conçoit pas seul. L'union fait la force. Donc, l'intelligence, c'est cette capacité incroyable à vivre ensemble, en société, et à s'adapter à tous les changements. Et l'utilisation d'outils chez le dauphin avec les éponges, les filets de bulles, chez les baleines, montre à quel point elles s'adaptent rapidement à des situations nouvelles. Alors, elles s'adaptent, mais jusqu'à quel point? Parce que nous leur en faisons voir de toutes les couleurs avec nos activités, nous, humains, à ces cétacés. Un triste exemple en août dernier sur les côtes bretonnes. Une image impressionnante. Qui s'est échouée, effectivement. La baleine mesure plus de 13 mètres de long. C'est pour ça que l'image est si impressionnante. Ça s'est passé sur la plage de Penmar. Elle était décédée en mer, en fait, et est venue s'échouer avec les vagues jusque sur la plage. Elle a attiré, évidemment, vous le voyez sur ces images, beaucoup de badauds. Comment expliquer que régulièrement, on déplore l'échouage de cétacés sur les plages, François Sarano ? Alors, il y a certainement de multiples explications, hein, les cachalots, les baleines meurent en mer, et puis les vagues les ramènent à terre. Choc avec les bateaux. En Méditerranée, c'est la première cause de mortalité. Choc avec les bateaux, on veut aller trop vite. Deuxième chose, les filets. Beaucoup de dauphins meurent dans nos filets. Troisième chose insidieuse, grave, qui va durer très longtemps, la pollution chimique. C'est nous, ici à Paris, qui déversons dans nos éviers, avec nos usines, des produits toxiques que les baleines, les cachalots, tous les cétacés stockent dans leur graisse et que les mères relarguent au moment où elles vont allaiter leurs petits. Et en particulier les primipares, elles injectent à leur nouveau-né, le premier, un lait d'une toxicité telle que dans certains endroits, la plupart meurent. C'est ça qui est catastrophique. Et je ne parlerai pas des plastiques, parce que nous nageons régulièrement, nous, et voyons Elliot, tache blanche, mâchouiller des bouts de plastique qui traînent. Beaucoup en ingèrent. Et lorsqu'on fait les autopsies des cachalots qui s'échouent sur nos côtes, eh bien, leurs estomacs sont pleins de plastique. Olivier Adam, vous consacrez tout un pan de votre exposition, Baleinopolis, justement à l'impact des activités humaines sur l'ensemble des cétacés. Est-ce que les 89 espèces de cétacés dont vous nous avez parlé sont menacées par les activités humaines? Voilà, elles sont toutes sur la liste rouge de l'IUCN, donc c'est facile. Elles sont toutes menacées, elles sont toutes en danger. Alors, on n'a pas voulu vraiment citer toutes les activités humaines dans Baleinopolis parce que toutes les activités humaines impactent la nature, impactent l'environnement et impactent les océans et impactent les cétacés. Par contre, ce qu'on a voulu faire, c'est donner la parole à ceux qui agissent pour la conservation. Et agir pour la conservation, ça peut être local, ça peut être au niveau d'une association, ça peut être national et ça peut être international. Par exemple, cette exposition, elle est labellisée des Nations Unies parce que les Nations Unies ont un grand programme sur la protection des océans. Sur ce que disait François sur les plastiques, par exemple, ou sur les collisions avec les bateaux, on a montré qu'il y avait des possibilités dans des régulations des activités humaines ou de la mise en place d'outils, parce qu'on est maintenant capable d'identifier les problèmes des activités humaines qui impactent les cétacés. Donc il faut savoir comment on peut faire, soit pour en réduire l'importance, soit carrément de les enlever. Et donc on a voulu mettre l'accent sur ça. Moi je suis optimiste profondément. On sait que ça va pas assez vite, mais quand on voit apparaître des systèmes qui œuvrent pour éviter la collision entre des bateaux et des cétacés, ça il faut le montrer et il faut le déployer. Merci François Sarano et Olivier Adam. À découvrir donc l'exposition Baleinopolis, les sociétés secrètes des cétacés à l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. Pour en savoir plus sur ces sociétés, François Sarano, il y a votre livre Le retour de Moby Dick chez Actes Sud et puis le documentaire Le clan des cachalots qui sera diffusé prochainement sur Arte et qui sera projeté en avant-première lors du festival Atmosphère qui se tiendra à Courbevoie, La Défense du 8 au 13 octobre prochain. Nous allons mettre toutes les références sur la page du Vent dans les Synapses sur franceinter.fr. Un grand merci à vous François Sarano et Olivier Adam. Merci. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles découvertes et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Jean-François Zigel pour la preuve par Z.